que le fait de nettoyer ma cafetière m'a préparé du café chaud. Non, c'est pas en nettoyant ma cafetière que le café est rentré dans la cafetière. Mais c'est ça. Ça, c'est une, si on le dit en termes plus techniques, je confonds un rapport de corrélation entre deux phénomènes. Je vois statistiquement que deux phénomènes se passent en même temps, ou un peu après l'un après l'autre. C'est pas pour autant qu'il y a un rapport de causalité. Alors, ça a l'air évident avec mon exemple de la cafetière, mais je vous assure que dans plein de cas, y compris dans des mémoires, on voit des analyses extrêmement créatives, fondées sur des rapports statistiques, quand on va les dire, oui, t'es sûr qu'il y a une causalité entre tes deux phénomènes, ou c'est juste le fait qu'ils sont corrélés, mais sans que ça soit nécessairement un rapport de causalité. Ah ben oui, tiens, je ne m'étais pas posé la question. Mais repensez à l'histoire du café, au moment où vous analysez les statistiques. Donc ça, c'est un premier écueil. Un deuxième écueil, c'est que les statistiques, ça c'est un peu mon histoire de l'homme moyen, mais ils négligent les cas particuliers. En sciences humaines, on y reviendra, souvent les individus exceptionnels, les cas particuliers, les études de cas, elles sont vachement intéressantes. Autant que les régularités. C'est un peu dommage de se passer des choses exceptionnelles, des individus exceptionnels dans les sciences humaines. Et puis finalement, les approches quantitatives, il y a une boîte noire qu'elles n'ouvrent pas, c'est celle des motivations des individus. Pourquoi j'agis comme j'agis? Quelles sont mes motivations? Pourquoi je communique comme je communique? Pourquoi j'ai plaisir à raconter cette belle histoire du café année après année? Ce n'est pas une approche quantitative qui va me le dire. Enfin, c'est peut-être analytique ou que sais-je. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il faut pouvoir aussi parfois ouvrir cette boîte noire des motivations et de la manière dont nous nous représentons les choses en tant qu'être humain. Et ça, le Conti est moins efficace que les approches dites qualitatives pour enquêter sur cet aspect. Mais oui, c'est vraiment complémentaire. Le Conti nous donne une photo intéressante au niveau macro. On va le voir maintenant, le Cali nous permet d'ouvrir la boîte noire des motivations et des représentations. Ok ? C'est plus ou moins clair ? Bien. En fait, on voulait faire une pause ou on continue au finish ? Une petite pause de 5 minutes. Dans 5 minutes, je reprends. Si vous faire une pause de 1 heure, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux la citer. Tu peux la citer par ton biais, comme l'image de ton biais. Toi, je ne t'en parle plus déjà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Que ce soit clair. Qu'est-ce que tu veux? T'as liké la photo de Camille. Mais j'ai pas dit qu'on comprend pas. Non, mais je vais la mettre aussi en photo de profil. C'est ça que tu comprends pas. Tu veux encore plus me détester? Ouais, mais c'est toi, au final, t'auras aussi une mauvaise tête. Tu nous plantes très spécialement. Parce que là, il reste pas grand chose, non? On est au 12, il y en a 19. Ah oui, mais vu comment il parle. Franchement. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais elle se plaint pas du tout. Chien que se partout, oui, il a besoin d'être là partout. Quand on ne parle pas, reste dans ton coin, s'il te plaît. Tu seras gentil. En fait, il a besoin d'être là. Ouais, en fait. Voilà. C'est ça, c'est... Quand ça ne concerne pas, il faut qu'il mette son petit grain de sel partout. Oui, grenier, là. Et là, ça va, tu sais. Tu te sens bien comme ça. Tu te sens mieux. Tant mieux. C'est ça. Ah, il va nous montrer une vidéo. Vous allez le faire. Oula. C'est pour ça qu'il a mis une image de ça. Une vidéo. Il va nous montrer l'âge de glace. Je crois que j'ai même pas vu le 4. Ouais, moi je me suis arrêté à au 3. Celui où il y a la femme mammouth. Ouais, et ils ont un gosse, hein. Ouais. Ouais, ça c'est le 3. Ça c'est le 3, ah bah voilà, je me suis arrêté là. Mais Scratch. Ouais, là je crois qu'il y en a 5 là, non. Non. Ah ouais, hein. Non, il y en a 4. Ah non, il y en a 4. Non, vous en avez 12. Si, regarde. Parce que je sais qu'à l'époque, le 3. Ah non, j'ai regardé le 4 aussi alors. Il se passe quoi dans le 4? Les dinosaures. Ah moi je l'ai pas vu. Donc il y en a 4. Il y en a 4, donc il y en a 5. Voilà, il y en a 5. Non, il y en a 5. Par contre, Scratch il est toujours aussi drôle. Hein. Ouais. C'est énorme. En fait, c'est ça descend en qualité, mais lui, absolument reste, pas. Avec sa petite copine là. Je pensais pas pouvoir parler aujourd'hui de. De l'âge de glace. De l'âge de glace. Mais quoique, ça finit bien. Les Québécois, ils aiment bien changer les titres. L'air de glace. Titre ouais. Québécois, ils aiment bien changer les titres. Bah, limite, en plus, c'est la vraie traduction. Enfin. Un nom. En anglais, c'est Ice Age. Voilà, donc l'âge de glace, nous, on met l'air. Ah non, ouais, c'est 5. Il y en a 5. Là, on est au 5. Bon, il y en a un 6ème qui va se faire. Ah oui, ça, c'est bien parti. Tu peux, franchement, vu le nombre de personnes qui veulent parler. Et tu sais même pas où elles sont. Donc... Ah, y en a juste à côté, hein. Ah, si ouais. Je me trompe pas. J'ai fouillé. Je sais pas où précisément, mais il y en a d'office à l'étage, je pense. Si je les trouve pas vite, je reviens. Camille, quoi, allez-vous, t'as lancé un commentaire? Non, il y a Baptiste qui a dit, elle est vraiment top. On dirait tellement. Oh! T'es petit joueur, quand même. Tiens, moi, je vais aimer. T'aimes ta propre éducation? Oh là là, ah, non, là c'est la. C'est le début de la fin. Non, mais Jérémy, j'ai liké sur. C'est le début de la fin, Jérémy. Liker son propre commentaire. C'est. Il vient de faire la même chose. Non mais c'est... Et pourquoi elle veut voir... Ah c'est ça, parce que c'est ça pour votre Mais Loric et Noémie ils sont pas là. Non, ils ont abandonné. Elle a rien fait. Elle a liké la photo. Je vais vous envoyer leur malheur. Qu'est-ce que t'as encore marqué aussi? Ah mais ça, oui. D'ailleurs, je me dis que je je me demandais pourquoi il a mis la vidéo live, mais en fait j'avais liké pour être parti. Non, c'est moi qui ai liké à l'ambiance quand j'étais juste en train de parler. Ah, ça va, hein.

avoir une réflexivité aussi. C'est-à-dire qu'on va pas seulement réfléchir, peut-être les objectiver dans le sens de mettre à distance dans les conscients, mais ça reste objectif. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est réfléchir, avoir une réflexivité et en être conscient pour voir l'impact, pas nécessairement la neutralité, mais conscient de l'impact que ça peut avoir sur notre chose. C'est vraiment la dernière perspective. C'est l'avantage des natifs. Je peux toujours dire à la personne à qui on fait. C'est pas mon plan de lui faire croire que vous avez une question et qu'après elle va dire que je m'entends. Bon, ok. Comment peut-on encore essayer de contrecarrer ces biais possibles ou qualitatifs? Mais en pratiquant ce qu'on appelle une triangulation, hein, c'est-à-dire comme dans un triangle, on ne se contente pas du seul. L'interaction entre le chercheur et la personne hein, qui fait l'objet de l'enquête, mais on essaie d'avoir un troisième terme. Alors le troisième terme, ça va être, pas quand on a beaucoup de moyens, une équipe de recherche, un deuxième chercheur qui va être actif sur les 27 ans. Et en confrontant les observations, c'est un moyen peut-être de neutraliser des biais qui auraient été dus aux valeurs ou à la subjectivité d'un des deux chercheurs. Donc trianguler, c'est rajouter un tiers terme au dispositif de recherche, que ce soit un troisième chercheur, un deuxième chercheur, voire un troisième, parce qu'il y a déjà le moyen. Que ça soit, c'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure, combiner deux méthodes, ça peut être combiner une méthode qualitative avec une approche plus macro de type quantitatif, ça peut être très intéressant. Que ça soit combiner des espaces, ne pas faire tout, ça dépend du thème de recherche, mais on ne peut pas parler en généralité si on est combiner, ne pas faire toutes ces enquêtes qualitatives sur le même espace, sur le même lieu, mais combiner plusieurs lieux, ça s'y prête, revenir sur son terrain plusieurs fois dans le temps, rajouter un troisième terme, un terme temporel, un terme spatial, un deuxième chercheur, vous avez compris la logique. Donc, essayer de trianguler le dispositif, croiser les témoignages avec les faits. C'est pas parce qu'on interroge quelqu'un qu'il faut prendre pour un grand content de ce qu'il raconte, et une fois s'être préparé à l'entretien. Mais un entretien, ça se prépare. Ah, si vous préparez, je vous donne un exemple concret. Quand je travaillais sur ma thèse sur la communication scientifique, j'ai rencontré plein de chercheurs. Une recherche sur les chercheurs. Et j'avais des entretiens avec ces personnes. J'essayais de voir un petit peu, peu importe le fond du truc, comment ils avaient publié, où ils avaient publié, sur quel sujet, est-ce que ça leur avait valu comme promotion ou pas dans leur carrière, etc. Un petit peu, voir comment la carrière des chercheurs était liée à ce qu'ils ont publié ou pas publié. Bon. Donc ça veut dire qu'avant, les gens s'étaient rencontrés, avant d'aller les voir, j'avais quand même regardé leur bibliographie, j'avais essayé de lire quelques articles, un peu analyser les choses. Il ne faut pas non plus qu'ils racontent n'importe quoi, j'ai une connaissance de ce qu'ils ont vraiment publié, pas qu'ils me racontent qu'ils ont publié dans ce qu'ils ont publié, s'ils ont publié une opinion dans le sport. J'ai pas mal d'opinions dans ce sport, enfin, c'est pas la même chose. Bon, et je me souviens d'un chercheur, je ne le nommerai pas, qui n'est pas dans cette université, qui n'est pas dans l'université de Francophonie, mais cette personne, j'avais vu qu'elle travaillait toujours dans le même genre de cadre théorique. C'était toujours les mêmes auteurs, qui étaient assez fréquents sur les chercheurs dans le cadre théorique. Je ne vais pas dire qu'ils restent tout le temps, mais c'est des types de problèmes, d'autres, et des cas qui s'appellent plus que d'autres. Et dans le travail de ce chercheur, de ce professeur, il y avait un article qui n'avait vraiment rien à voir, que vous citez constamment, c'est celui français pour mieux. Ça m'avait vraiment surpris, parce que les autres travaux de ce bonhomme n'étaient pas du tout dans la ligne sociologique de Bourdieu. Donc ça m'avait étonné. Il y en a un entretien, des questions, des questions faciles, des questions agréables. Je lui serai avec les gens à l'aise, ça m'a bébé. Mais quand des questions plus difficiles, c'est bien de l'amener pas directement. Puis j'ai dit, tiens, je t'ai parlé de manière compliquée, je lui ai dit, j'étais un peu surpris, vous avez essayé de travailler dans cet article-là sur un caca théorique, un sujet de l'habitude. Ok. Et je suis un peu embêté. Et on tourne un peu autour du pot, on verra ça au cours de l'entretien, on répète la question autrement, on essaie de l'amener à reformuler les choses. Et finalement, il apparaît que ce chercheur n'était pas vraiment l'auteur de la question, mais que c'était un étudiant en mémoire, il avait fait un doctorat, je crois qu'il lui avait demandé l'autorisation, il en a fait un article, sans citer comme co-auteur l'étudiant de mémoire. Évidemment, l'étudiant avait un autre cadre théorique que le cadre théorique habituel du professeur. Et donc ce professeur avait utilisé l'article, sans doute avec l'accord de l'étudiant, pour écrire un article de plus, et ce n'était pas son cadre théorique habituel. Donc vous voyez, ce que je dis par là, ça m'aurait échappé si je n'avais pas un peu étudié l'introduction de la personne avant de la rencontrer. Est-ce qu'on va les mains dans les poches, hein, plein de théories qui s'en disent. Moi, je verrai la théorie après. Ok, peut-être bien, mais ce genre de choses vous échappe. Donc, il faut quand même préparer ces moments. Hein. Il faut quand même, un minimum, ne pas se laisser dire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on revient. Et avec ça, je conclue la séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant de parler de ces thèmes brièvement? Je vous dis ça. En quelques mots sur le TPN, ce qu'on peut dire, c'est d'abord qu'à la fin de cette session, de cette séance, on restera un peu plus tard. On reste maintenant, parce qu'il est déjà un peu plus tard. Pour répondre à des questions plus individuelles, c'est-à-dire des problèmes plus individuels, des angoisses plus individuelles par rapport à ce TPS, on peut y répondre maintenant. De manière générale, ce que je dirais, c'est que ce qu'on vous demande dans ce TPS, en fait, c'est une version plus élaborée de la fiche que vous avez déjà remplie et envoyée à votre directeur de mémoire. Donc vous pouvez, et je vous y engage vraiment, reprendre la même structuration que vous avez sur la fiche. Simplement, ce qu'on espère, c'est que depuis le moment où vous avez la fiche, vous avez vu davantage, vous avez un peu affiné votre réflexion, vous avez peut-être des idées de quatre théories. Peut-être que ça sera plus clair après la séance de la semaine prochaine sur les quatre théories. Vous avez sans doute, et on vous le demande, l'idée d'un plan général du mémoire. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est que c'est complètement provisoire ce plan qu'on vous demande de faire. Il est clair que vous pouvez revenir sur ce plan et le modifier. Enfin, parfois, c'est difficile de modifier d'une manière importante. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de ce qu'il va évaluer, ce sont les différents points qui sont déjà dans la fiche. Et parfois, vous pouvez redonner les intitulés de la fiche, je pense que c'est pour ça, mais développez-les un peu plus en faisant part de l'état actuel de votre réflexion sur les différents points. Peut-être que vous devez retenir, c'est que dans le TPM, en principe, vous avez un monomètre, je pense, le 18 avril, c'était ça. D'ici là, on aura eu ensemble plusieurs séances sur la problématique qu'on a déjà abordée la semaine dernière. Ici, d'un ouvert, donc des perspectives, paradigmes, systémologie. Et on verra la semaine prochaine le cas théorique, et ensuite, on rentre dans différentes méthodes. En fait, ce que vous avez à traiter dans le TPM, c'est justement ces questions-là, en particulier ce qu'on appelle dans le Valenicom une revue de la littérature, qui est en fait un cas théorique. C'est-à-dire, c'est de voir quels sont les travaux qui existent déjà sur les sujets qui vous intéressent. Et de mettre en perspective, en fait, les théories, les recherches qui ont déjà été faites, et de voir quels sont les points communs, les différences entre ces théories, et de voir en fonction de votre objectif de recherche, de votre question de recherche, quelles théories et quels auteurs vous allez potentiellement privilégier. Donc, notez aussi que le TPS, c'est 15 à 20 pages maximum, incluant la bibliographie, incluant donc un résumé aussi un peu plus complet de recherche sur lequel vous vous interrogez, et que la partie de la littérature, c'est une dizaine de pages. Et qu'en principe, vous allez travailler ça justement dans l'un des travaux qu'on vous demande aussi dans le cours. Donc vous aurez déjà en fait plusieurs étapes préparatoires pour rédiger ce document. Donc c'est vraiment en parallèle au cours. On note, c'est à envoyer avec le promoteur, donc c'est directement avec lui que la note sur l'invitation se fait. Mais par contre, c'est vraiment en complément donc avec ce qu'on voit ici. Et c'est un prolongement, comme vient de dire Marc, puisque vous avez déjà aussi travaillé cette étape sur la fiche. Donc c'est pas un truc qui sort du néant et que vous avez inventé de A à Z. Est-ce qu'il y a des questions dans le programme? Je serais attendu à plus quand même sur le question du TPM. Parce que moi j'étais prêt à le rendre en deuxième cesse. Vu tout le travail qu'on a à faire. C'est vrai qu'on a blindé. Ouais, on a blindé trois. On va s'organiser.